mon grand ami, l'amour, Normand, c'est bien sûr... Ben oui, c'est comme on peut dire dans... Oui, comme on peut dire... À force de côtoyer des jeunes, on dirait que mon discours perd un peu de saveur, un peu de richesse, un peu de constance, un peu de crémage. À côtoyer madame puis monsieur tout le monde, je me rends compte que moi-même, si je m'ancre pas dans l'œuvre littéraire, classique, je risque de m'assimiler. Et je risque de devenir moi aussi une poignée de porte en attendant une main aussi intelligente et hors norme que mon ami Normand. Mais c'est pas grâce à son esprit, à sa ferveur de création qu'il a écrit autant de belles chansons. Non, il le doit à l'être en haut de lui, en haut de Normand, il y a son Dieu. Donc, merci au Dieu de Normand. Et c'est bien sûr, comme on le souligne souvent, je ne sais pas pourquoi on ose dire ça, là, mais allez-y. Ça fait quoi? Ça fait une feuille chiffonnée dans un... Oui, OK. Oh, c'est beau, ça. Oh, bravo, bravo. Là, je l'aime, lui, là. Attendez, là, je m'entends pas très bien. Mais peux-tu mettre du son, mon Gaétan? Je pense que c'est au maximum. Voyons donc, toi. Je suis rendu que je m'entends jamais assez haut. Ah, mon... Ils sont de même, les animateurs radio. Ah, peut-être... OK. Ah, c'est bon, là. Pour tout le monde, ce soir, depuis 7 minutes, tentez d'ajuster votre appareil radio. Excusez infiniment. Je vous laisse quelques secondes pour... refréquencer, parce que c'est déjà le 89.1. C'est quoi réel? C'est ça. Bon. Et puis, le son, c'est bon, là. Okay? La poignée de porte, c'est de mon ami Normand Lamour. Et vous savez que dans la... Pardon? Vous avez la... On l'attrape juste une fois, là. Parce que si c'est deux... À la deuxième reprise, c'est plus... C'est une résurrection. Tu meurs. Oui. Et si, par bonheur, tu redoubles la mise. Tu fais pas partie du genre humain, toi, là. Mais non. Mais ouais, voyons, arrêtez. Ben, c'est comme la grenouille, hein? Non, elle fait bribble. Bribble. C'est pas rip, c'est bribble. Bribble, pas bribble. Bribble dans le pudding. Oh, je peux même pas. Est-ce que c'est lui qui chante ça? Ah, il doit l'avoir repris. Holy Mary, lui aussi, hein, c'est... ben oui. C'est intéressant, là. Quand dans ta vie, là, tu sens que t'as une petite... que tu t'en vas vers la... Tu te dis, c'est la dernière fois. Tu peux pas l'avoir. Sinon, c'est ça. Lâchez-le. Donc, je le. Abandonnez-le. OK. Monsieur, baissez-moi ça, s'il vous plaît, merci. Monsieur, c'est la voix de l'eau. En haut, il y en a de l'eau. Ah, mon Dieu. Quand on dit engorgé, là, c'est. T'as jamais compris le terme engorgé dans ta tête. Dans ta tête d'humain. Engorger, c'est quelque chose de rempli, hein? Mais quand tu vas être en haut, là, tu vas voir les seaux qui sont là. Puis qu'à un moment donné, on s'amuse, on n'est pas là pour rien. En plus, c'est l'éternité. Oh, le plaisir, là. Il y a des petits coquins, des petites coquines. Tu sais, les petites coquines, pour agacer les petits coquins. Perce les trous. Dans l'engorgement, qu'est-ce que ça crée en bas, là? Oh, la pluie, puis dans des endroits, bien sûr, plus pas là. T'as pas l'air à comprendre, toi, là. T'as pas l'air à saisir mon histoire de l'au-delà. Engorgé. En haut, c'est engorgé. Mais à l'école, j'espère que t'as été un petit peu à l'école. Faut aller à l'école de Lévis. Oui, je sais, il y a l'école de Lévis, mais il y a l'école tout court. École tout court, là, c'est un peu... c'est pas très intéressant. Dépendant, si le professeur est dépendant, là, c'est... C'est quand ma prochaine bouse, c'est quand mon congé, c'est quand. Ouais. Mais un vrai passionné, tu sais, un professeur là, qui te regarde et qui dit « La lire... Oui, monsieur! » Tu sais, un genre de Fabrice Luchini, hein? Il faudrait plein de Fabrice Luchini, hein? Plein de Fabrice. Dans le milieu... Dans deux milieux. Le milieu éducationnel et le milieu médical. Le milieu médical. Mais je ne trouve Fabrice Luchini dans le milieu médical. Oh! Merveilleux. Là, le médecin vient de voir, là. Il dit « Écoute-moi, le mec, là! » Je tiens à vous dire, je ne le fais pas, Fabrice Luchini. Je ne suis pas un imi. Moi, je suis un boulimique, mais pas un imi. On peut, ça peut durer 2h30, bon, j'ai aucun problème avec ça. Puis en plus, c'est le temps. Aussi de celle-là, là, que vous connaissez, le temps de... C'est celle-là. Mais c'est aussi le temps de prendre le temps. Tu te souviens, mon ami auditeur, auditrice habituelle, sensuelle, consensuelle, surtout consensuelle. Tu comprends pas cette émission-là, mais à fur et à mesure, tu sortiras ta règle de compréhension et tu pourras mesurer l'effet de l'absurdité que dégage, parce qu'il se l'a pas souvent. Il a pas les moyens, lui, là. Il est toujours dans le monde de la crise de mots. Des mots qui sont dans l'embouchure. Dans l'embouchure de l'oralité. Tu sais, ils se tiennent bien serrés, les mots, là-dedans, là. Puis on sait pas ce qui va sortir. On peut aussi appeler ça le cadavre... de l'archiduchesse, excusez-moi, je vais peut-être éternuer. Non, c'est pas vrai. Hey, attends, t'as vu la petite Rita, elle voulait fermer le son, là, hein? C'est dit, on coupe le son! Hey, non, c'est pas Philippe Catherine, c'est uniquement Rénal Gagné. Grand, grand, grand, grand bonhomme aussi, Philippe Catherine. Oh, que j'adore. Dans mes écouteurs, pas là, mais dans mon casque de scooter, parce que je ne l'utilise plus. Là, le 25 décembre, moi, j'ai rangé ça. Je me suis dit, il y a le mouton. Tu sais, le mouton, c'est le Québécois moyen là, qui va dire, « Reste tranquille, toi, tu peux mourir. » Le casque, là, s'il voit ton casque, il va le mettre sur la tête, il va partir avec son scooter. Cache-toi, c'est un mouton. Il ne fera pas évoluer le Québec. Là. Mais heureusement qu'il y a des moutons autrement que ça. Il y a des moutons migrateurs. Oui, il y a des moutons. Bon, arrêtez de pleurer, Mme Thibodeau. Ça semble absurde. Ça semble pas absurde. C'est absurde. Absolument. Absolument. C'est ça. Ouais, je commence à avoir une conjonctivite au niveau d'Azette. J'ai le naseau qui bloque, moi, là, quand il y a trop de connaissances qui tombent en même temps. Ça m'arrive. J'ai un peu de connaissances. C'est que, ouais, ben, je l'ai dit souvent. Tu l'étales. T'en as pas beaucoup, mais tu l'étales. Yvan Attal. Yvan Attal. Charlotte Gainsbourg. Oh, les liens! Je suis excité comme une perruche. Hey, avez-vous déjà vu une perruche excitée, vous, là? Moi non plus. Un pan peut-être, là. Puis on c'est l'âne qui rentre en moi ou qui sort en moi. On se dit souvent, hein, tu sais, t'es comme un pan, là. Arrête, je suis pas un pan, là. Arrête de me vanter, là. La queue va pas me déployer, au contraire. Je peux pas dire ça. Là. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment très précis de l'année. Donc, puis j'en ai rien à cirer. J'en parlerai même pas. Moi, regarde, à soir, c'est la soupe aux pois. M'en faire chercher quelques-uns dans ma... moi, j'étais dans un centre de repos, moi, là, pour soins palliatifs, parce qu'ils m'ont dit, c'est RIP, toi, là. Normalement, qui vient de quitter, tu te laisses aller, comme disait Charles Aznavour, et je te reconnais même plus sur tes photos, comme disait Alain Machougne. Et puis l'autre, il dit, ben prends ton temps, prends ton temps, prends ton langue, comme disait M. Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Avez-vous déjà rencontré Serge Gainsbourg? T'avais juste le goût de lui dire, hey Serge, viens ici, mon Serge. Viens voir mon oncle Rénal. Ben oui, voyons, Serge. Là, si il voulait pas arriver vers toi, c'était très simple. Tu débouchais. Serge, viens. Puis là, Serge, tu t'appelles Serge Gainsbourg à ta place, là. C'est juste pour peut-être avoir un peu plus de succès, là. Change de Gainsbourg. Plein de monde le savait, là, quel punch allait arriver, là. Il ne peut pas dire autrement que ça, là. C'est un connard. C'est un triple connard, là. L'année prochaine, oui, aux Jeux olympiques, on jouera au triple connard. J'aimerais ça, moi, pas des Jeux olympiques sportifs, moi. Des Jeux olympiques intellectuels. Je suis rien là-dedans, parce que j'ai entendu, à un moment donné, au Faux du Roi, avec l'autre, là, comment il s'appelle, dont Stéphane Bern, qui fait aussi des émissions historiques. Lui, là, hein, quand il voit une couronne, moi, quand je vois une couronne, c'est... le groupe punk, là. Season Industry, c'est pas un groupe punk, ça, Season Industry? Lequel? Les Brawlock Brothers, qui ont repris une chanson de Gainsbourg, je sais. C'est Son of Miche-moi la paix, s'il te plaît. Tranche-la en deux, puis mets du beurre. Et puis, hey, ce soir, là, ça va bien pour moi, là. J'espère que pour vous, le micro tient la route, et surtout la radio. Parce que le micro, c'est quand tu fais l'émission. La radio, c'est quand tu l'écoutes. Oh! Excusez-moi de vous mettre dans la rénalité, là. Et j'ai rencontré, il y a quelques semaines, le monde, c'est parce que moi, c'est la machine à voyager dans le temps. Moi, c'est la bouche à voyager dans le banc. Dans le temps. Quoique dans le banc aussi, mais c'est un autre banc. C'est un banc d'essai. Je m'essaie souvent. Essayez-vous. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas chanté une petite chanson. Hein? Les gens se disaient, oh, peut-être qu'il est trop en connaissance de cause ou de prose. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ça, j'aime ça, faire ma clémence de moi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, peu importe. J'ai un texte à vous lire. En fait, une pseudo-parodie, là, c'est Le Grand Corbeau et le Harfang des Neiges. Je dis pour l'occasion, c'est Harfang des Neiges. Tu sais, les gens de basse gamme aiment ça, l'Harfang des Neiges. C'est moi, l'Harfang des Neiges. Je tiens à dire à tout le peuple francophone qui nous écoute en dehors de la radio parce qu'on peut télécharger mon émission. L'Harfang des Neiges au Québec, là, c'est un vin. Un vin. 2 fois 10, 20. Un vin. L'Harfang des Neiges. C'est bon, l'Harfang des Neiges. C'est dur à débousser, mais c'est bon. Quand ça passe dans la c'est humide. C'est du vin humide. Attention! Je touche pas à ça, moi. Et puis donc, c'est Le Grand Corbeau et le Harfang des Neiges. C'est une fable, une histoire, un conte, en tout cas, on ne sait pas. Mais moi, je ne sais pas. Autrefois, parce que là, c'est pas aujourd'hui, là, ça se passe dans un temps reculé. Tellement reculé là, qu'il y a le fossé. Tu sais, quand tu vas en... en marchant ou en roulant ou en courant. Tu vois, cul-de-sac, là. Ben, après le cul-de-sac, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que crois-tu? Qu'est-ce que tu croyais devenir? Non, mais après le cul de sac, c'est la fin de la Terre. Là. La Terre n'est pas ronde. On t'a raconté en 80... Non, en 1900... En innocent. Hein, moi, je suis né en innocent. Puis pour ça, je suis innocent. Hein? Ça va avec, innocent. Arrêtez. On me dit plein de choses dans mes oreillettes, là. Comment? Non, mais non, on peut pas évoluer, non. Évoluer l'intelligence à qui? À qui? À Krasuk? À qui? Hein? Hein? OK. Oui, attends. La personne qui, en fait, c'est le Arfan des Neiges qui a rédigé ça dans sa tête. Mais tu sais que la tête d'un Arfan, là, on se dit, rapidement comme ça, là. C'est bien beau que c'est un jour spécifique, là, mais c'est un oiseau, un Arfan, hein? Puis quand on dit t'as une tête d'oiseau, là, t'es pas trop là, là, hein? Avons-nous l'Arfan au bout du fil? Oh, ça, c'est le oui d'Arfan? Est-ce qu'on peut lui refaire un oui? Oui, OK. Hey, j'aimerais avoir un oui là, qui s'envole. Êtes-vous l'Arfan? Oh, vous vous envolez, vous? Oh, êtes-vous en retard? Vous êtes pris dans l'ascenseur. Le Père Noël est-il une ordure? Oh, mon Dieu, vous êtes l'Arfan. Des neiges? Aimez-vous ça, la neige, vous? Ah, il a l'air aimé ça, hein? On dirait que c'est un scanner. Eh, hey, monsieur. On le prend, c'est qui? C'est avec l'écho, non? Maison de l'écho, hein? OK? Non, maison de l'écho pour entendre. On y va? Wow! Le monde entier est rapiécé. Et l'oncle Joe s'est décapé. Tu vois l'ennui à ton nombril. Si tu te dévisses, tu risques de devenir. C'est le brise-bois de Sibérie. Attendez, je ne vous ai pas nommé. Il est content de passer à la radio. C'est la première fois, premièrement, là, c'est la première fois qu'on entend un Arfan des Neiges. Hein? À quelle émission on entend ça? À Errance Rénaldienne sur CKRL. Oui, CKRL. Allô, oui. Là, vous passez ici, là, en ce jour particulier que je ne veux pas nommer parce que je ne suis pas un imbécile joyeux, moi, là. Ouais. Il y a pas mal de ce soir, il y a pas mal de Sibériens qui déboucheront votre merveilleux élixir prolétaire moins que moyen. Qu'avez-vous à leur dire? Voilà. Puis il y a quelques mois, j'étais. Il y a toujours quelques temps, hein? C'est pas là, c'est il y a. Je suis dans le racontage, moi. Quand les gens... Ça, c'est, j'aime bien dire le mot racontage parce que... Tu sais, on peut, à un moment donné, discuter avec certaines personnes de littérature et des gens viennent se greffer, inconscients de ce que l'on dit. Et puis là, on se retourne vers eux et on leur mentionne cette phrase suivante. Aimez-vous lire? Et si on te répond, je suis pas un grand liseux. C'est bien certain. Puis si on dit « je suis un grand liseux », c'est pas vrai. Hein? Saint-Anne de Lisieux, lisait-elle? Ben oui. Ben oui. Puis c'est pas Lisieux, c'est Lisieux. Saint-Anne de Lisieux. Lisieux. Lisieux. Elle est devenue ophtalmologue. Ophtalmologue. Ophtalmologue. Ophtalmologue. Hein? C'est pas logique, non. After Moral n'est pas logique. Elle voyait pas. Elle faisait du précipice aigu. Elle avait de la mouche dans les yeux. De la mouche à feu. Elle voyait juste des rayons d'interférence. Puis elle s'était branchée sur ses KRL à un moment donné. Puis là, elle voyait clair. Elle voyait la carte de membre. Elle disait 25$ pour voir ça. Ben j'ai dit oui. Elle dit, je vais donner membre. Ben écoute, 640-25, 640-418, 640-25-75. CKRL. Appelé dans quelques jours, là, pas aujourd'hui, parce que je pense que CKRL, elle aussi est en prose paffée. Non, mais elle s'amuse. Elle diffuse. C'est une frivole. Moi, j'aime ça, les frivoles, parce que la vie, c'est pas si sérieux. Puis on se la rend bien dure. Bien, bien dure. Puis à un moment donné, je sais bien quand tu te maries, là... Faut se la rendre bien dure, mais à un moment donné, il faut se la racouler. T'sais, tu dis racoule ma boule, va la mouche à douche, sa mouche. Et puis c'est ça. Et est-ce que j'ai le temps de vous raconter l'histoire de l'arfan? Autrefois, les oiseaux étaient blancs, tout blancs. C'est rachiche. On va la raconter peut-être la semaine prochaine. Aimeriez-vous ça, les amis? Bon, OK. Je suis déjà en retard. Je dois vous présenter mon ami, mon autre ami. Moi, je suis rempli d'amis. Puis les autres, c'est mes ennemis. Ceux qui me parlent dans le dos, là, je dis, quand tu me parles dans le dos, là, d'après toi, j'ai-tu des belles fesses? Ils ne comprennent pas, tu sais, c'est des couleuvres. Ça rampe. C'est comme des mocassins. Connaissez-vous les mocassins? C'est pas les souliers. Excusez-moi, ça, c'est très dommage d'avoir le hockey. J'ai le hockey, Madame Thibodeau, je vais vous dire pourquoi j'ai le hockey. J'ai le hockey de la famille. Le hockey de la famille. Les gens qui ont l'estomac, j'ai l'estomac vide actuellement, très vide. Regardez bien ça. Et oh! Et oh! T'es vide, s'il vous plaît, toi, là, tu fais de l'écho. On va. Mais, il reste encore 1h33. 33 plus 60 minutes. Vous êtes mêlé, ouais? Parce que vous, c'est pas l'estomac qui parle, c'est le cerveau, hein? Quand le cerveau lui parle, ah, mon doux. Monsieur le président. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis étouffé avec une feuille. Une feuille d'érable. Ça étouffe, moi, les feuilles d'érable. Feuille de lys, oui. Jean du pays, c'est votre tour. À votre feuille, j'aimerais ça quand tu French l'amour à un moment donné. Monsieur le Président, les Québécois, Québécoises, là, les gens qui payent nos impôts Québécois, Québécoises. Là. Monsieur le Président de tout Alcalbite. Je suis pas un... Je suis pas ça, moi. Ah non. Et puis, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, vos chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant. On n'a rien gagné en passant, madame. Non, on a pris le supplémentaire, on a pris le suppositoire, on a pris le réquisitoire, puis on est pris avec... Je n'ose même pas vous le dire, madame. On est pris avec le... Lui, là, à côté, là. Mais celui qui s'en fait croire. Mais ça n'a pas de bon moment. Non. Restez. Voilà. De Pierre. Pierre. Moi, c'est Rénal, vous, c'est Pierre. Rette. Mais oubliez le Rette. Pierre. Vous êtes Pierre. Oui, vous êtes Rette aussi. Pierre Rette. Mais si je vous dis Pierre Rette, vous allez parler. Fait que vous êtes de Pierre Rette. Okay. Vous êtes. Oh, Gustine de Jeune de Pierrette. Vous êtes pas. Êtes-vous déjà encore pompette? Parce que êtes-vous déjà encore? Ça vous montre que vous êtes dans le monde de. Hein? Ha ha ha ha. Vous riez? ah ah. Ok. Do re mi ah ah. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change le chapitre, les chapitres moi-même. Aujourd'hui, le vendredi 25. Errance, les errances, 25, le 25, on est le 25, 25, bon. 20, un 25. Un 25 comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Il est l'heure de continuer. OK. Oh, monsieur, on a perdu la caraquette. Oh non, encore. Rip caraquette. Caraquette paquette. Donc, c'est plus tard. C'est la semaine prochaine. Oh, un petit cadeau. L'errance, boussole, gestionnaire, boulot, ciboulette. En juillet. Oh non, c'est vrai. On reçoit mon ami, mon grand ami en ce beau 25. Je suis très heureux de vous l'annoncer. Pour la deuxième fois, parce qu'il y a quelques années, Éric Vincent faisait partie de mes rencontres. Éric Vincent, né à Forcé, Mayenne, le 27 juin, est un auteur, compositeur, interprète français qui fait des concerts dans le monde entier. Il a chanté dans plus de 140 pays actuellement, là, à l'heure où on se parle. Il est en tournée aux États-Unis depuis 3 mois. Dans les lieux prestigieux comme l'Opéra de Manos au Brésil, de l'Opéra de Hanoï au Vietnam. Une carrière qui commence dans les années 70 aux côtés de Coluche et au cabaret Le Port du Salut à Paris. Il a rencontré, il était un ami très, très intime de Georges Moustaki. Nous en parlerons, il en discutera avec moi. En juillet 2015, Réré le Dégénéré se trouve, le trouble-fête de CKRL, bien sûr, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus marquants de mon émission. Un voyage chargé en cette nuit étoilée et vous êtes l'une d'elles. Je m'arrête ici dans la nomenclature et je vous souhaite une belle aventure nocturne. Alors, place à notre rencontre. Intime. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous

Ça fait 4 ou 5 fois que je te donne le pion. Là, je te laisse le texte, c'est pour toi. Je ne vais pas te le retirer. Je ne vais pas te la retirer, la chanson. Voilà, et je ne vais pas... Je vais rien essayer. Voilà. Tout en imitant les bravos d'un auditoire qui se pâme, la pluie installe ses barreaux à la fenêtre de mon âme. Quelle que soit la haine et la rage qui prolifèrent autour de nous, je ne crains plus aucun orage, même si je sais le monde fou. Censures et bâillons sur des bouches qui ont envie de s'exprimer, des religions plus ou moins louches aliènent l'homme et ses idées. Tout en imitant les bravos d'un auditoire qui se pâme, la pluie installe ses barreaux à la fenêtre de mon âme. La science a beau faire des prouesses, nous sommes toujours incapables du moindre atome de sagesse qui serait tant indispensable. Il faut tout faire pour que les bombes ne fossilise pas demain le sourire des enfants colombes, sème la paix sur leur chemin. Tout en imitant les bravos d'un auditoire qui se pâme, la pluie installe ses barreaux à la fenêtre de mon âme. Emprisonné dans les arcanes d'une étrange mélancolie, j'observe une fleur qui se fane et je la trouve encore jolie. Errance Rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dany. Et en fait, il était déjà bien malade. Et c'est une époque où il est allé à plusieurs reprises se refaire une santé dans des maisons de repos. Là, il était dans une maison qui se trouvait pas loin d'Orléans. Et il avait mon texte, il avait une petite guitare avec lui, mais il était très faible. Et dès qu'il est rentré à Paris, deux ou trois mois plus tard, il m'appelle, il me dit « Eric, j'ai fait la musique de la chanson. » Viens. Je fonce, on était à 7 minutes à pied. Quand je dis 7 minutes, c'est lui qui avait calculé. Okay, oh. Genre j'avais un sens de la précision. Ah, oui, c'était quelqu'un qui était... D'ailleurs, les rendez-vous

je ne sais pas comment les appeler, mes fans, puisqu'on s'appelle ça comme ça. Ben ton public, ça leur plaît, je veux dire, tout le monde. Est-ce que tu peux la reprendre, celle-là, la chanson de l'Eurovision, ou tu ne veux pas la mettre à ton répertoire? J'ai pas encore décidé. Non, je j'y pense pas. On est quand même dans une chanson que j'ai faite sur le moule de la chanson originale de Karyanis. Donc on n'est pas trop dans ma personnalité de chanson. Ouais. Mais je pense que c'était une jolie chanson et je pense que j'ai bien réussi mon adaptation. C'est un petit peu dommage. Mais donc pour le reste, il faut. Une motivation, et là, c'est vrai que le flop de mon dernier album, pour l'instant, me bloque un petit peu sur mon... voilà. Libération, libération, libération, libération, libération. Fini le temps de la prison. J'ai fait 10 ans dans la maison. Libération, libération. Ils m'ont rendu mon pardessus et merde et salut. Je ne savais plus marcher sans avoir devant moi un mur pour m'arrêter comme ça. Ce soir je peux danser. Danser comme ça, danser comme ça. Je ne savais plus parler, j'avais trop murmuré, trop longtemps chuchoté comme ça. Ce soir je peux chanter. Chanter là là, chanter comme ça. Verra ça. Libération. Comment chanter dans ma prison? Libération. Libération. Ma ville est là, me tend les bras, on se reconnaîtra. Je suis pauvre et mal rasé, mais je vais me bichonner, je vais me pomponner comme ça, et puis j'irai aimer. Aimer comme ça. Tu me fais peur, liberté, j'ai la gorge serrée, et les gens me regardent comme ça, ils ne comprennent pas. Libération. Pleurer de joie, bon Dieu, que c'est bon. Libération. Libération. Tiens, me v'là un homme, comme tous les hommes, dit la création. Libération. Libération. Commence ma vie, merci. C'est aujourd'hui qu'elle suspend la sienne. Bang! Grand-maman, elle avait fermé la porte du taxi sur la tête à ma mère. Ça fait encore mal. Ouais. Et ce fut le début d'une pas pire épopée. Je vous en ai raté

tu vas écouter sur mon Facebook, et tu vas écouter ça avec un grand plaisir, j'en suis sûr. Et Patrick, on se revoit lundi d'ailleurs, on dîne ensemble lundi soir. Bon, mais écoute, en 2016, je communique avec lui, puis on se rencontre. Voilà, il faut que tu le. Okay. C'est vraiment. Voilà, ça fait partie. Annonce-moi. Pour moi, ça fait partie des monuments. Je veux dire, je regarde autour. Parce que les monuments. Il a quel âge, à peu près? Patrick, il a nos âges. Okay. Il a mon âge. Okay. Il approche des 70. Okay. Il est comme nous. Okay. Il doit avoir. Ouais. Je sais pas s'il a mon âge ou s'il est plus. Ouais, on est dans ce genre-là. Mon pays, ce sera là où tu seras bien, là où je serai moi, là où tu seras belle. Mon pays, ce sera là où mes ritournelles n'ont pas peur de mourir sans avoir dit pourquoi. Mon pays, ce sera là où les fleurs du jour te naissent, poussent entre tes doigts et fleurissent à tes larmes. Mon pays, ce sera une étoile sans arbre, soleil sans regret, lorsque revient le froid. Mais je ne renie pas le lieu de ma naissance, le ventre de ma mère et le lit fatigué. Non, je ne renie pas le port de mon enfance, tout petit bateau qu'il fallut accoster. Ce sera là où tout devient vrai, là où tout devient beau, où rien n'est monotone. Mon pays, ce sera le pays de personne où plus rien n'est vendu et rien n'est acheté. Mais je ne renie pas le lieu de ma naissance, le ventre de ma mère et le lit fatigué. Je ne renie pas le port de mon enfance, tout petit bateau qu'il fallut accoster. Mon pays, ce serait la terre tout entière si les fleurs n'étaient pas derrière des barbelés. Mon pays, ce serait un monde sans frontières où l'homme n'a plus peur devant l'éternité. Mais je ne renie pas le lieu de ma naissance, le ventre de ma mère et le lit fatigué, non. Je ne renie pas le port de mon enfance, tout petit bateau qu'il fallut accoster. Non, je ne renie pas le port de mon enfance. Peut-être un bateau viendra pour nous chercher. Trafiquant de réminiscence, volé à des foules amnésiques, j'ai longtemps laissé ma conscience vagabonder sur sa musique. Les vents violents venus des villes m'entraînent au cœur d'un ouragan, et déjà je suis dans la file qui conduit vers le toboggan, qui conduit vers le toboggan. Je me souviens d'étoiles filantes distordues dans mes galaxies, d'où j'appelais l'horloge parlante pour avoir de la compagnie. Les feux de mes nuits éphémères, trace un point d'orgue sur mon champ. Je ne suis qu'un escroc solitaire, un truand qui blanchit du vent, qui blanchit des mots et du vent. Inutile, absurde et tremblant, dans l'ordre d'un destin troublant, j'écoute le souffle de l'instant et l'accélération du temps. Là-bas devant le toboggan, là-bas devant le toboggan. Suivi par des vieilles rengaines, des mots d'amour, des mails transis, j'abandonna la faune urbaine, les garanties de ma survie, les vents violents venus d'ailleurs. Les sifflants se lamentant, et maintenant devrais-je avoir peur et fuir devant le toboggan, et fuir devant le toboggan. Là-bas devant le toboggan, là-bas devant le toboggan, là-bas devant le toboggan. Y'a longtemps qu'on fait de la politique.